Vous écoutez Radio Différence, l'émission de Radio Nantaise de diversité psychique. Le thème d'aujourd'hui, c'est la santé. Vous pouvez nous écouter sur le site www.radiodifference.eu. Bonjour, je suis André. Je vais vous parler un petit peu de la santé. Qu'est-ce que la santé ? Mens sana in corpore sano, disaient les Romains. Un esprit sain dans un corps sain. Faire de l'exercice et manger équilibré. Avoir une activité intellectuelle et spirituelle. Une vie sexuelle et affective épanouie. Communiquer. S'exprimer de façon juste pour dire ses besoins, ce qui manque, ce qui ne va pas, ses problèmes, pour qu'une solution soit trouvée. S'enquérir de la santé des autres pour leur être une aide, un appui. Ne pas trop s'occuper de soi, ne pas trop s'écouter, mais au contraire, essayer de s'oublier pour se mettre au service d'autrui, être en relation. Voilà ce que fait le médecin. Il passe toutes ses journées, toute l'année, depuis tôt le matin jusqu'au soir, à recevoir des malades et tout ça en oubliant ses propres mots. Médecin, soigne-toi toi-même. Peut-être que le médecin se maintient en bonne santé grâce à ses malades. Ceux-ci lui apportent l'équilibre et de l'argent. Il faut une bonne santé financière aussi, un compte en banque en équilibre pour être en bonne santé morale. Tout se tient. Il faut travailler. Le travail, c'est la santé. Il faut un travail qui corresponde à ses aptitudes, faire ce qu'on aime ou aimer ce qu'on fait. On peut considérer la maladie comme un signal que quelque chose ne va pas et donc s'employer à décoder le message que nous envoie notre corps ou notre âme en vue d'un rétablissement ou d'une transformation. C'est dans ce sens qu'on a à s'occuper de soi et à s'écouter. Pourquoi est-on malade? Pourquoi souffre-t-on? Quelle erreur a bien pu être commise? Notre famille, nos écoles, nos maîtres, professeurs, la société ne serait-elle pas parfaite? Que voulons-nous leur dire à travers nos mots que nous pourrions transformer en mots pour que le langage de la maladie soit compris et entendu? Il faudrait y prêter attention, prendre le temps, mais la plupart du temps, on préfère mettre sur la blessure un pansement médicamenteux de psychotrope, par exemple, qui aide, soulage, mais ne guérisse pas. Seule la nature a le pouvoir de guérir. Mais nous vivons si loin de la nature maintenant. Nous sommes dans des villes. Une ville en bonne santé est une ville où les relations sociales sont bonnes. Communiquer, se rencontrer, échanger sont des moyens pour arriver au bien-être et le maintenir. Vivre à la campagne, c'est bien. Il y a des arbres, de l'air, mais on y souffre d'isolement. On peut être ou se sentir seul en ville aussi, et trop de solitude n'est pas bonne pour la santé. Voir du monde est une nécessité. Dans ces émissions, nous avons parlé du sens de la vie, des loisirs, de la solitude, du travail. Et pour parler de la santé, j'en reviens à ces précédents sujets, car tout se tient, le matériel, le spirituel, l'affectif, le relationnel. Nous sommes tous à la recherche du bien-être, nous voulons le bonheur. Comme dit Michel Houellebecq dans son livre « La poursuite du bonheur », « N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. » C'est la même chose pour la santé. La santé existe-t-elle ou est-ce un idéal qu'on n'atteint pas, mais vers lequel on peut tendre? Tous un jour, nous mourrons. Et comme dit Woody Allen, tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais complètement décontracté. Dans la vie, il y a des tensions et le problème est d'arriver à se détendre sans s'avachir. Pour sortir de difficultés psychiques, pour émerger, la solution est sans doute de créer quelque chose, faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Créer du lien social, tisser un réseau, se reconstruire par les mots, les sons, les couleurs, participer à une aventure collective, par exemple celle du GEM ou de cette radio. La maladie est utile, elle nous oblige à prendre un meilleur chemin que celui qui nous a menés à elle, elle est une éducation, indique une voie, oblige à se réveiller, à sortir de sa paresse naturelle, l'envie de rien foutre, de se laisser aller. Il est possible de prendre en main son destin pour aller mieux, en gardant à l'esprit cette phrase d'Alexandre Jolien, handicapé psychomoteur de naissance, « L'important n'est pas d'aller mieux, mais de devenir meilleur. » Dans certains cas, la maladie, si elle nous apporte l'inconfort, peut nous rendre meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir meilleur ? On dit que le mieux est l'ennemi du bien. Doit-on se contenter d'aller bien ou faut-il sans cesse chercher autre chose, mieux, au risque du pire ? Sans doute il faut risquer, on n'a pas le choix. La vie est mouvement, sans cesse elle nous propose du nouveau, de l'inédit, de l'imprévu. Pour être en bonne santé, il faut être prêt et s'adapter à tout ce qui se présente, vivre au présent car le passé n'existe plus et le futur pas encore. On me dit que le présent est une illusion. Très bien, toute cette vie que nous croyons réelle, ce que nous croyons réel, n'est qu'un rêve. Calderon dit « La vida es un sueño. Me gusta mucho hablar español. » C'est de la culture, moins on en a, plus on l'étale. Étalons. La culture c'est bon pour la santé et quand on est malade psychique, un minimum de culture psychiatrique et psychanalytique est utile. Ça fait partie de la littérature et de la philosophie qui sont des moyens pour exprimer ces mots, ce qui fait qu'on se sent mieux. La santé est-elle le plus précieux de tous nos biens, comme on dit ? Des gens malades ont produit des œuvres artistiques impérissables, des œuvres d'une grande santé, puissantes, élevées. Van Gogh, Hölderlin, Nietzsche étaient des malades psychiques. Pascal, Antonin Artaud, Proust n'étaient pas en bonne santé, mais cela ne les a pas empêchés d'atteindre des sommets dans l'ordre de l'art et de la spiritualité. Une bonne santé apporte le confort, le contentement, que demander de mieux, tant qu'on a la santé. Mais sommes-nous sur Terre pour vivre dans le confort, pour vivre entre soi, heureux, sans perturbation ? Pourquoi tous ces orages, tremblements de terre, ces chauds et froids qui nous font attraper des rhumes, et puis le temps qui passe, sortir de l'enfance, traverser l'adolescence, entrer dans l'âge adulte, vieillir, tout ça nuit au confort et apporte des changements perpétuels qui forcent à l'adaptation permanente. Avoir une bonne santé, c'est savoir danser au-dessus d'un volcan. On peut parfois trouver ça fatigant, et comme a dit l'un de nos politiques, la vie est belle et fatigante. C'est comme ça, à moins qu'on préfère une vie moche et reposante. Pour ma part, mes troubles de santé ont donné à ma vie une direction qu'elle n'aurait pas eue sans eux, mais qui est finalement peut-être meilleure que celle que j'aurais suivie normalement en rencontrant d'autres gens qui souffrent ou ont souffert. On est à un niveau de relation sans doute plus profond et plus vrai que dans le cours normal de la vie. À travers la maladie, en s'arrangeant pour joindre au désagréable, l'utile, on peut parvenir à une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'âme humaine en général. Ça y est, j'ai terminé, je vais passer la parole à la personne suivante. Ils sont bien 15 millions rivés à la télé. vos célébrités. À de viser entre dans une langue déversée de l'exhibition molle des téléprisonniers abdiquant complètement l'idée même de penser. Les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés, encore les platitudes qui traînent en fin de journée. Une figure de style qu'on chantonnerait pour soi, comme un espoir craignant qu'un jour on le déçoit. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas. Ça tombera pas plus bas. Ça tombera pas plus bas. Ça tombera pas plus bas. On est drôlement nombreux à élever des enfants, à les entendre dire plus tard quand je serai grand. Au mieux leur entendement, à les aider à être humains intelligents. Cette application-là nous demande un plein temps. Mais parfois, tristement, ce qui vient, c'est du vent. C'est vraiment des phrases sottes du bon sens variant. C'est malheureux, les armes assassinent le galop et s'acharnent sur les restes de l'ancienne Babylone. Mon Dieu, aveuglément au nom du dieu pétrole. Ma glace alors une banalité monotone, mes glaces alors une banalité monotone. Je sais, c'est saugrenu de répondre à la guerre par des mots ravaux gris comme un cœur dans le formol. Bonjour, je m'appelle Julie, donc je vais parler de la santé, en particulier la santé mentale. Donc voilà, moi je fais partie de ces grands malades qui n'ont eu qu'un épisode dans leur vie, mais qui leur aura duré toute leur vie en fait. Un épisode quoi ? Un épisode psychotique. Mon deuxième signaliste m'a dit, mademoiselle, vous avez des problèmes avec la réalité. Et il a rajouté, c'est peut-être à cause de vos relations. Comment peut-on ne pas avoir de problème avec la réalité ? Peut-être que douter de la réalité est un signe de santé mentale. Douter des interprétations que l'on fait de la réalité. Comment pourrais-je ne pas avoir de problème avec les interprétations de la réalité si on interprète toujours aussi mal mes actes? Je ne fais pas gaffe à ma santé, surtout à ma santé mentale. Mais bon, comme il y en a qui disent que tout cela est génétique, alors dans ce cas, mon mode de vie est plutôt la conséquence de mon délire permanent que la cause. Le délire donc qui me suit depuis la naissance nuit-il à ma santé? Est-ce qu'on peut délirer et être en bonne santé? Peut-être que les grands malades sont ceux qui loupent leur délire, qui se sont retrouvés coincés dans leur délire, qui n'arrivent pas à communiquer leur délire aux autres. Un des créateurs de la politique de secteur disait « Les HP sont plein de gens qui ont loupé leur folie ». Bonjour, je suis André François Et je vais tenter de parler de la santé après les deux personnes qui ont déjà dit des choses très intéressantes. Quand j'ai réfléchi à ce thème, j'ai d'abord cherché à définir la santé. En fait, c'est assez difficile de la définir. C'est quelque chose de positif, mais le plus facile, c'est de dire ce que ce n'est pas. Quand on est en mauvaise santé, quand on est souffrant, quand on délire ou quand on souffre d'une façon ou d'une autre, c'est assez clair. Être en bonne santé, c'est moins clair. C'est pouvoir faire ce que l'on veut, ne pas avoir de frein du côté du corps qui ne suit pas ou de l'esprit qui n'y arrive pas, ne pas avoir de choses qui empêchent de faire ce que l'on voudrait. Mais en fait, on peut être en bonne santé et être handicapé. Parce que il y a des handicaps, par exemple des personnes en fauteuil roulant qui disent aller bien, parce qu'ils peuvent réaliser ce qu'ils essayent de faire avec leur handicap. Et puis, par contre, il y a des gens qui apparemment n'ont pas de troubles physiques et qui malgré tout n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Et parfois les troubles sont clairs, quand vraiment il y a des troubles psychiques graves, mais des dépressions légères qui parfois paralysent quand même une bonne partie de la personne sont des maladies qui ne sont pas très évidentes, qui ne se voient pas. Et pourtant, les personnes ne sont pas en bonne santé. Que doivent faire les médecins ? Les médecins ou les guérisseurs sont chargés de remettre la personne en état de faire ce qu'elle voudrait. On dit que en Chine, certains médecins étaient payés pour maintenir les gens en santé, non pas pour les guérir quand ils étaient malades. S'il fallait les guérir d'une maladie, c'est que le médecin avait auparavant mal fait son travail. Dans notre société occidentale, les médecins sont souvent comme des pompiers, ils arrivent quand c'est déjà assez grave. Et peut-être pour les maladies psychiques, c'est pareil, les médecins ils arrivent quand on a dû hospitaliser une personne parce que ses troubles étaient tels qu'il ne pouvait plus vivre dans la société actuelle. Que lui ne pouvait pas ou que les autres ne le supportaient pas d'ailleurs. Souvent, il peut y avoir l'un ou l'autre point de vue. C'est pas toujours la même chose. Je pense qu'il y a encore certaines sociétés où il n'y a pas seulement les médecins qui cherchent à faire que la santé soit maintenue. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les médecins de l'âme, les religieux, les prêtres, les sorciers, qui avaient pour fonction plutôt de maintenir justement le psychisme dans une certaine qualité, parce que la religion donne un cadre. Si l'on sort de ce cadre, alors à ce moment-là, on est en mauvaise santé par rapport à la religion. Et en général, pas mal de religions traditionnelles, en fait, essayaient de remettre les personnes qui avaient des problèmes de santé psychique dans un chemin plus conforme. Il y a toujours le problème de la normalité et le problème de la conformité qui fait que on peut être plus ou moins tolérant par rapport à certaines déviations. Alors, par rapport aux maladies physiques aussi, il y a des sociétés, on dira que si vous boitez, vous pouvez quand même travailler. Si vous avez mal au dos, vous pouvez quand même travailler. Voilà. Et il faut aller travailler, il faut faire ces tâches, même si l'on est malade. Et dans d'autres, on sera beaucoup plus rapide à essayer de soigner les gens. Et de même pour les problèmes moins faciles à cerner, qui sont les problèmes psychiques ou de santé, de santé non physique, mais quand même de santé. Pour cela, là aussi, les sociétés peuvent être plus ou moins tolérantes. Dans la société traditionnelle européenne, le fou du village vivait dans le village. Et on arrivait à tolérer celui qui faisait n'importe quoi et qui était fou, mais qui participait de la vie sociale. En ville, maintenant, à notre époque, les gens qui sont en marge sont beaucoup moins tolérés. Et on sait bien qu'une grande partie des SDF ont des problèmes de santé psychique. Parce que la société ne sait pas comment les gérer. les enferme quand c'est trop grave, mais ensuite les laisse partir même quand c'est encore assez grave. Je n'en dirai pas plus. À la prochaine fois, au revoir. Leur mer d'or, que les soldats de plomb fondent au soleil, loin des villes et des cris, dans les campagnes environnantes, des amoureux transis souris sur des chemins en pente, à la périphérie des centres-villes encombrés, plus de bruit nauséabond, c'est les cités béton, sur les collines de l'Amérique, de l'Europe et de l'Afrique, les amoureux transis souris sur des chemins en pente. Supermarché des stations balnéaires, sur la petite route entre la nationale et le chemin de fer, quand la fête est finie, que les gendarmes au croisement s'impatientent, les amoureux transis s'oublient sur des chemins en pente, de simples ponts d'or au pont de la rivière Kouai, à croire que les hommes sont plus heureux sous la mitraille, loin des villes et des cris, dans les campagnes environnantes, les amoureux transis s'oublient sur des chemins en pente. Thank you.